on a les crosses. On a reçu beaucoup de crosses. J'ai vu des CRS. Ceux qui ont des masques, des protections en métal. Tellement il y avait du monde. Il y avait tellement de gens que beaucoup se faisaient piétiner. Les CRS perdaient leur protection, qui se brisaient au sol. Ils les ramassaient et frappaient avec les frères au visage. Le sang giclait de partout. Des frères ont perdu leur vie. J'ai vu une bousculade, j'ai entendu des cris, j'ai vu des gens courir, et j'ai vu trois personnes de jeter dans la Seine. Un par le dessus le parapet du pont, et deux autres un peu plus loin sur le quai. Alors je dis bien jeter parce que les gens ne sont pas tombés d'eux-mêmes. Il pleuvait. Les Français fermaient leurs volets. Des frères gisaient par terre. Des chaussures, des montres. C'est incroyable.